Caros ouvintes, como não podia deixar de ser, estamos aqui começando mais um podcast Sentido Horário, hoje especial Yeyé Francês. Chérie, mon amour. Vroom, le pied sur l'accélérateur, c'est mieux que la main sur un cœur. Je préfère être couché sur un guidon plutôt que de l'être avec un garçon. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie mon amour. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie mon amour. Je suis la fille à la moto, je suis la seule, je suis la un, la visigo, la fille de demain. Je roule dans la vie au grand galop. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie mon amour. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie mon amour. Acabamos aqui de ouvir Dani tocando La Fille La Moto e antes Pussycat com Baba Booff e depois Gillian Hughes. Lembrando aqui que o Yeye, ele é um estilo francês muito semelhante aqui à nossa Jovem Guarda, que pegou essas influências mesmo das bandas britânicas, pegou um pouco também do que se esperava ali da música local e tudo mais, e tinha também, assim como a nossa Jovem Guarda, tinha esse lado feio e o lado bonitinho. Vamos ver primeiro aqui o lado bonitinho com Franz Gall tocando Avant la Bagarre e depois uma tunisiana, na verdade, Jacqueline Taïb, tocando 7 heures du matin. J'avais pas vu ma brosse à dents. Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh mais c'est vrai, celui-là il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Ah, mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Um dos grandes responsáveis pela chegada do então novo rock na França seria um cantor chamado Antoine. Ele era um cara bastante assim arrogante, mas por outro lado ele começou a fugir daquela fórmula daqueles rockinhos americanos dos anos 50 e botar uma nova melodia ali na música, né? Aí depois um dos representantes também desse estilo seria o Jacques Dutronc. Ainda que eles não se dessem muito, vamos ouvir aqui os dois em sequência. Notre monde entier s'effondre, les spectres sortent de l'ombre, les Indiens se font la guerre, Mahatma n'a pas su faire, la bombe est prête à sauter, le bouton à s'enfoncer, des avions tournent sans cesse, des enfants déformés naissent. Le racisme existe encore, malgré tous ceux qui sont morts. Au nom de la liberté, combien de gens sont tués? Ne voyez-vous pas mes frères, où se dirige la terre? Les révoltes nous étonnent, mille glas partout résonnent. Des cadavres ressuscitent, partout les regards s'évitent. On arrache les forêts pour y planter des armées. Des enfants parfois s'élèvent, disant mettez une trêve à ce futur inquiétant. Mais leur voix s'envole au vent. Et la fête continue, les chaussures frappent à l'ONU. Les premiers soudain s'écroulent, le scandale amuse les foules. Les fusils et les lunettes leur font tous peur pour leur tête. Des conseils se réunissent, on prie pour que tout finisse. On croit redevenir sage, on pense tourner la page. L'âge d'or enfin commence, mais soudain on nous annonce que quelques nations lointaines s'est réveillée dans la haine, que des peuples se rebellent, qu'il faut qu'on leur soit fidèle. On leur envoie quelques troupes et les partis se regroupent, les alliances se reforment, les beaux sentiments s'endorment, les ultimatums s'envolent, les gros bombardiers décollent. Et si un jour, par erreur, au Vietnam, à Cuba ou ailleurs, on pousse un bouton de trop, le feu d'artifice est beau. Ce n'est pas ainsi, mon frère, que l'on met fin à la guerre. Ce n'est pas ainsi, mon frère, que l'on met fin. Petit, petit, petit, tout

attention, je suis la roller girl. Déplacer le grand canapé blanc. On continuera par enlever tous les guéridons blancs. Attention, mes doigts sont en danger. N'accroche pas le lustre du salon. Pousse encore et mets-toi de côté. Reste-toi un peu, ça va, c'est bon. Ce soir, je te préviens, on déménage. Ce soir, on déménage tous les étages. Les doubles rideaux sont décrochés, ils sont dans l'entrée. Bon, ne perds pas ton temps à ne rien faire et à tourner en rond. Les tapis sont en train de brûler, je t'avais pourtant bien prévenu. Tant de fois d'arrêter de fumer, ne dis pas non car je t'ai vu. Ce soir, je te préviens, on déménage. Ce soir, on déménage tous les étages. Fracas dans la cuisine et d'où peut venir l'eau qui jaillit partout en emportant le chat loin dans ses flots. Les voisins poussent des hurlements, la police et les pompiers sont là. On m'appelle de chez le président. Allô, dites-moi comment ça va. Ce soir, je vous préviens, on déménage. Ce soir, on déménage tous les étages. Ce soir, je vous préviens, on déménage. Ce soir, on déménage tous les étages. Ce soir, je vous préviens, on déménage. Mmh.